On pourrait peut-être signaler quand même à nos auditeurs la présence d'un homme armé dans la salle avec nous, n'est-ce pas Thibaut ? Oui, oui, parce que cette semaine, je suis sous protection policière. Ah. D'où la présence de ce policier derrière moi. Hein. Ça va monsieur ? Ça va ? Bon, il est un petit peu con. Hein. Bon, c'est lui hein, qui vous a fouillé tout à l'heure. Hein. Je ne pensais pas qu'il ferait une fouille si profonde d'ailleurs. En tout cas, grâce à lui, on sait où Jean-Paul planque ses extasies. C'est gentil. Là, les auditeurs se disent, ça craint. Pas que Jean-Paul prenne des extasies. Non, non, sans s'en douter. Hein. T'as vu les jeux de mots qu'il nous trouve. Non, ça craint parce que j'ai reçu des lettres d'intimidation. J'ai reçu des menaces de ma mère. Ah. Oui. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai fait une chronique sur ma mère et elle l'a mal pris. Ça tombe mal, j'en parle dans ma chronique. Ah. Merde. La pauvre. Elle va être contente. Oui, elle l'a mal pris, j'ai dit qu'elle était à l'hospice, mais à coup pas, hein, c'est faux évidemment, elle est juste en hôpital psychiatrique. Non mais ma mère a beaucoup d'humour, hein. Par exemple, elle adore quand je dis des saloperies sur vous, tu vois. Elle m'a dit, tu t'es pas trop moqué de ton père, hein. Alors, il se trouve que, bon, j'ai de la peinture à refaire à l'appart, du carrelage à poser, mon père vient ce week-end. Donc bon, c'était pas le bon timing pour se foutre de sa gueule. Et donc depuis le début de la semaine, j'ai ce policier qui me suit partout. Mais partout. Et parfois, c'est gênant. Sous la douche, par exemple. C'est très gênant. Bon, ça me change pas beaucoup hein, d'être sous protection judiciaire. Rien que pour venir au studio, c'est ultra sécurisé. Hein. Quand t'arrives, déjà, il faut un code qui t'ouvrira la première porte. Ensuite, il faut une carte magnétique qui t'ouvrira la seconde porte. Après, tu as 8 secondes pour désactiver l'alarme. Sinon, des fléchettes sortent des murs. Pour monter au 4e étage où nous sommes, il faut appeler l'ascenseur. Ascenseur ! Oui. Oui, extra. Bravo. Oui, c'est ta reconnaissance vocale. Dans l'ascenseur, pour monter au 4e, c'est ta reconnaissance génitale. Oui, oui, oui, oui, vous avez bien entendu. Là, au 4e, il y a un moine, Jean-Marc, qui te posera une question en allemand. Si tu réponds mal, il te brisera la nuque. Si tu réponds bien en disant pantoufle, ou pantoufle, c'est comme vous voulez, Jean-Marc te donnera les clés qui te permettront de rentrer dans le studio. Ouais. Bon, bah maintenant, reste plus qu'à faire l'émission. Bravo.